On va parler du Marcos Pop de Saint-Félicien. C'est une personne qui a fait de chronique avec Jason Legesse, mais là, on va en faire une cette semaine. On va parler avec Jason. Salut, Jason! Salut, Danny. Jason, c'était une victoire en fin de semaine contre la formation des ambassadeurs de Chicoutimi. Toujours des bons matchs entre Chicoutimi puis Saint-Félicien, hein? Ouais, surtout que les ambassadeurs, là, ils ont une très, très bonne équipe. Là. Ouais. Ça a donné un très bon match de hockey, là, vendredi soir à Saint-Félicien. Un match très serré, très intense, très défensif. Qui s'est saldé par une victoire là, de 2 à 1 sur les ambassadeurs. Ok. Donc, victoire de 2 à 1. Dans ce match-là, qu'est-ce qu'il faut mentionner? C'est un match très, très serré. Oui, c'est un match très serré. C'est sûr qu'on a, on a manqué des chances. On a manqué des chances. T'sais, les deux, c'est manqué des chances des deux côtés. C'est ça. C'est un match. C'est assez défensif, là, les lancers, ça a fini 19-18 là, dans ce coin-là pour chaque équipe. Donc, c'est vraiment pas un match là, très axé sur l'offensive, mais vraiment là, sur la défensive. Donc, dans ce match-là, qu'est-ce qu'il faut mentionner? Les compteurs ont été. Oui, dans ce match-là, les compteurs ont été Alexis Alexis Bradette et Bradette. Marc-Étienne Bégin. Oui. Oui, effectivement. En plus. Donc, c'est. Ouais. En plus, c'est ça, ça a été 2-1 là, à partir de la milieu de la deuxième jusqu'à la fin du match. Donc, c'est ça. Ça a été un match serré. Deux bonnes formations. Selon moi, les deux meilleures formations là, de la ligue GMS Midget cette année. Donc, OK. Fait que en fin de semaine, que ça dit quoi? Grosse fin de semaine, on joue 3 matchs, 2 fois contre les Orioles de Jonquière, puis 1 fois contre les Saguenay de Chicoutimi. Donc, on a une grosse fin de semaine là, qui nous attend. C'est 3 matchs, donc c'est la première fois de l'année que ça arrive, ça? Oui, première fois de l'année que ça arrive. Ça Ouais. va arriver, ça va arriver une autre fois là, dans la saison. Donc, c'est ça. Ça arrive 2 fois dans l'année. Donc, on s'attend à ça. Ben oui. On s'attend à une Là, grosse les fin de semaine. tournois, c'est-tu décidé ce que vous allez faire avec les tournois? Oui, nous on va à Drummondville, à Alma et on fait Dolbeau. Ah, ok. Fait que, ça va faire venir de beau. Ben, tu sais, Dolbeau, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Jet 2B non plus. Ouais, c'est vrai. Dans la catégorie Jet 2B, là, ça doit faire quoi? 4, 5 ans qu'il n'y a pas eu de Jet 2B là, au tournoi de Dolbeau. Cette année, ils essaient de la ramener. Ils ont fait des rabais là, pour les équipes d'ici. Donc, nous, ça ne coûte pas trop cher là, pour aller à ces Ah ouais, tournois-là. donc ça risque d'aider pas mal plus là. Fait que. Ouais, en plein ça. Ouais, ok. Fait que ben Jason, on s'en reparle la semaine prochaine. Oui, il n'y a pas de problème, Dani. Voilà, donc c'est la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec l'instructeur Jason Lajeunesse.